Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on déjeune. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Donc voici sans plus tarder. Et maintenant, voici les tops de l'insolite. Et top de l'insolite ce matin qui touche la musique rap. Bien sûr, on a 25, les 25 noms de rappers les plus ridicules qui ont jamais existé. Là, vraiment, il y en a qui sont très, très, très, très, très ridicules. Par contre, on va y aller donc tout de suite puisque c'est 25. On n'a pas de blague à faire. En fait, le site a tout simplement juste mis 25 noms avec des photos. Donc, malheureusement, on ne pourra pas vous montrer les photos, mais quand même, on va vous présenter tout de suite donc le départ. Numéro 25, Lil Scrappy. Et oui, donc, et comme on dit, à moins que vous soyez un petit chien, un petit chiot, ça fonctionne pas comme nom, là, Lil Scrappy. T'as pas l'air vraiment d'un gangsta si tu t'appelles comme ça, mais bref. Donc, Lil Scrappy, numéro 25, des pires noms de rappeurs, les noms de rappeurs les plus drôles. Par la suite, on a 69 Boys. Et oui, qu'on voit entre autres avec une photo donc du chandail du Canadien, de Montréal, bref. Chandail de Canadien, lui qui a écrit la pièce Tootsie Roll, qui est supposément donc une pièce qui dit que donc en fait c'est le nom d'un groupe ça. Et ils disent donc qu'ils sont tous nés en 1969, donc 69 Boys, et ils ont écrit la pièce Tootsie Roll, qui est un bon bonbon, mais probablement pas une bonne pièce. Par la suite, numéro 23 de ces noms de rappeurs les plus ridicules, on a Chamillionaire ou Chamillionaire, bien sûr, qui en fait. Et tout simplement un nom bizarre là. On parle de, est-ce que ça a rapport avec des caméléons, est-ce que ça a rapport avec des millionnaires. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il s'est lancé avec le nom de Chamillionaire sans vraiment être un millionnaire. Et on dit que les seuls qui pourraient donc se donner ce nom-là, Chamillionaire, c'est les millionnaires du thé à cause du thé à la camomille. Ha ha! L'Académie de blagues Mathieu Plante, hein, toujours. Non, mais bref, ça nous vient bien sûr de crack.com et on essaie de faire des blagues et moi j'essaie de les traduire, c'est encore pire. Et oui, donc ensuite, on a Booba Sparks avec 3X. Donc, pourquoi que 3X? Bien tout simplement parce qu'il essaie de se mettre une vague de que, comme quoi que c'est un dieu du sexe, bien sûr, pour essayer de prôner les jeunes filles. Et c'est un gars qui vient donc du collège du Sud. Et il vient du Sud, donc ça paraît. Booba, hein? Booba Gump, comme dans Forrest Gump, Space Gump. Oh là là! Par la suite, on a... excusez ça, c'est vraiment très très drôle. Le numéro 21, Birdman. Oui, Birdman, on montre un dessin animé, en fait, avec un super-héros qui se nomme Birdman et qui a l'air tellement viril. Et c'est ce qu'il dit, donc l'image au-dessus présente, en fait, dit tout de Birdman. Donc, c'est vraiment très, très viril, ce Birdman-là. Par la suite, au numéro 20 des noms de rappeurs les plus ridicules, on a une égalité entre Vanilla Ice et Snow. On a Snow, Vanilla Ice et Young Black Teenager, en fait. Donc, c'est les trois. Mais quand même, Vanilla Ice, c'est ordinaire quand même comme nom de rappeur. Mais bref, je sais pas si vous avez vu, Vanilla Ice a fait un film dans les années 90 et ça a été, entre autres, il y a Angry... Et Nostalgia Critic, oui, sur le site thatguywiththeglasses.com, qui a fait une review, comme on dit en anglais, de ce film-là. En fait, lui, il prend tous les films et donc il fait des critiques de ces films-là vraiment très détaillées, quand même très recherchées, et il nous démontre vraiment que c'est un des pires films qui a jamais été fait. C'est Ice... je pense que c'est Ice Baby. Non, je pense pas, mais en vrai, c'est Cool as Ice. Voilà, c'est le nom que je cherchais. Film de Vanilla Ice, vraiment affreux. Vraiment, vraiment, vraiment affreux. Par la suite, on a au numéro 19 ces noms de rappeurs les plus affreux. En fait, c'est Kids in the Hall au numéro 19. Et non, on parle pas vraiment du show de télévision des humoristes canadiens. Plutôt, on parle donc de ce groupe de rap qui se sont nommés par la suite. Mais on dit, tu sais, vraiment, vous êtes stupide d'aller chercher... Vous voulez avoir l'air donc de tough, de bon, tu sais, de rapper... Prenez des noms donc de Kids in the Hall. C'est une émission qui avait lieu, je pense que c'était à la CBC de Radio-Canada. Bref, par la suite, ils sont allés sur Saturday Night Live. C'est des grands humoristes de télévision avec un humour bizarre, mais quand même qui fonctionnait bien. Par la suite, on a donc au numéro 18 de ce top 25 des noms les plus les pires noms de rapper. En fait, on a Dreddy Krueger. Oui, Dreddy Krueger. Pourquoi? Parce qu'il y a des dreads. Le Kruger, je sais pas pourquoi, mais bref, c'est un mauvais jeu de mots. Au numéro 17 de ce top 25 des noms de rappeurs les plus affreux, on a Cunilinguist. Et oui, fini linguiste, les amis. C'est vraiment assez affreux. Et ce qu'on va dire, en fait, ça pourrait être un nom trouvé par un adolescent qui a trop bu d'alcool à un party de famille et qui essaie vraiment de se faire... tu sais, d'être de Gotoff, l'adulte et tout, mais franchement. Par la suite, on a Noriaga au numéro 16. Bien sûr, on fait référence donc à un... je pense un général ou quelque chose comme ça, un gars qui a travaillé à la CIA à l'époque, mais vraiment, donc, ça ne s'applique pas au rap, malheureusement. Par la suite, nous avons au numéro 15, Kid. Ah, tabarnouche. Je les ai pas toutes vues. J'ai vu rapidement, là, tu sais, voir les grands, mais quand même, il y en a que je passe à côté. Et là, c'est vraiment n'importe quoi. Numéro 15, donc, de ces 25 noms de rappers, les pires noms de rappers de toute l'histoire de la musique rap. On a Devin the Dude. Eh oui, Devin the Dude. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Dude, un peu, on fait référence à, entre autres, Kenny Reeves dans son fameux film. vous savez, donc, qui est le film le film de Ted, là, où son premier rôle, où il est vraiment affreux, comme dans tous ses autres films. Par la suite, au numéro 14 de ce fameux top 25 des noms de rappeurs les plus stupides, on a Eminem. Et oui, Eminem a fait ce titre-là. En fait, qu'est-ce qui est drôle, c'est que, bon, il a utilisé ses initiales, Marshall Mathers, M et N. Mais c'est pas une excuse pour avoir un nom aussi. Pas très bon. J'allais dire d'autres choses, mais je vais essayer de rester gentil. Et on dit comme exemple, est-ce que Tina Turner se nomme TNT? T'sais, est-ce qu'on utilise donc ces deux lettres pour faire avec ces Tina TNT? Non. Bref, Eminem, ton nom de rapper, c'est n'importe quoi. T'aurais dû t'appeler tout simplement Marshall Mathers. Par la suite, on a Gnarls Barkley au numéro 13, tout simplement, puisque on dit que CeeLo et Danger Mouse qui se sont fait voler leur nom. Et donc, c'est un peu, si on veut, on enlève le nom à un joueur de basketball pour le donner à un groupe. Vous savez, Gnarls Barkley. Donc, vraiment, c'est pas aller chercher loin. Et selon eux, au numéro 12 de ces noms de rappers qui ont pas d'allure, bref, les pires noms, on a B-Lo, mais B-E-E-L-O-W. Donc, comme B, comme une abeille, Low. Donc, vous voyez ce que... Et c'est vraiment n'importe quoi, là, des noms affreux. Par la suite, on a au numéro 11 de ces 25 noms de rappeurs les plus affreux, de Lox. Et oui, Lox, c'est-à-dire, entre autres, ça fait partie des nourritures froides, c'est-à-dire c'est un plat avec du saumon, bagel saumon avec du fromage, en tout cas, bref. C'est donc des dans les bouffes froides les plus odorantes. Ça dit tout. Par la suite, on a au numéro 10 de ces noms de rappeurs qui ont pas d'allure, nous avons Del Da Funky Homo Sapien. Oh, ça j'aime bien leur compte. Del Da Funky Homo Sapien. C'est pas si pire, quand même. Moi, je trouve ça bien. Au numéro 9, maintenant, nous avons Ken Starr. Eh oui, donc Ken Starr qui est en fait, entre autres, il a appelé son premier album The Star Report, mais c'est le nom d'un gars au congrès, Ken Starr. Donc voilà, on n'est pas allé chercher très loin ou tout simplement on s'est trompé de père. En tout cas, bref, c'est pas très très bon. Par la suite, nous avons au numéro 8 de ces top 25 des pires... les pires noms de rappers que j'ai jamais existé. Swollen Member qui apparemment donc vraiment est pas allé chercher loin, mais Swollen Members quand même, vous voyez la référence, pas obligé de trop vous dire membre englouti, avalé, ordinaire, mais bon, sexiste un peu, qu'est-ce que vous voulez. Par la suite, nous avons numéro 7 et c'est celle-là, c'est je vais essayer donc de quand même donc ça dit, en fait, il y a 8, c'est une égalité vraiment très, très, très grosse, puisqu'on a Irv Gotti, Yo Gotti, Big Gotti, Don Gotti, Juan Gotti, Bazooka Joe Gotti, etc. Tous ceux qui utilisent Gotti, en fait, qui est un peu une généralisation des Italiens dans la mafia, mais bon, bref, pour avoir l'air simplement donc être mafieux et ça sert à rien donc d'utiliser le nom de quelqu'un d'autre. Il y a plein d'autres bons criminels qui sont bons criminels, en tout cas plein d'autres criminels, plein d'autres mafieux ainsi que bref méchantes personnes qui sont en prison. Pourquoi toujours essayer de prendre le nom mettons de John Gotti qui est mafieux, bref, et soyez original. Par la suite, nous avons numéro 6 de ces top 25 des noms de rappers les plus ridicules. On a Rhymefest. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Là. Est-ce qu'on a un artiste, un journaliste de 50 ans et blanc pour faire une revue de cet album-là? Puisque vraiment, le nom est assez affreux. Est-ce que c'est le nom aussi d'une chronique de journal vieille de 50 ans? Non plus, c'est vraiment le nom du rapper Rhymefest. Eh bien. Et par la suite, nous avons numéro 5 de ce top sur les noms des plus stupides des rappers. Eh bien, nous avons Da Bush Babies. Eh oui, Da Bush Babies. Donc, quoi dire de plus? Bush qui veut dire assain de poils ou de n'importe quoi. Donc, Da Bush Babies. Rien d'autre à dire là-dessus. Par la suite, nous avons numéro 4, Messy Marv. Et là, vraiment, la photo, en plus, est vraiment affreuse. Vous savez, les fameuses photos de rappers, c'est que le gars tient comme ses jewels dans les mains. C'est n'importe quoi, mais bref, Messy Marv, moi, il me fait peur. Là. Oui, j'ai vraiment peur. Gangster Rapper avec le petit collant Parental Advisory Explicit Content. Là. Vraiment, j'y crois. J'y crois. Tu fais peur, mon gars. Gangster Rapper à fond. Par la suite, nous avons numéro 3 de ces pires noms rappeurs que j'ai jamais existé, Chali Tuna. Donc, Tuna comme du thon, hein, si vous n'auriez pas compris. Et bref, c'est ça. Mauvais jeu de mots, mon gars. Par la suite, nous avons Paperboy. Et oui, Paperboy, c'est mon boy, Paperboy, parce qu'il lance des journaux et il livre des journaux. Bref, et si t'es un rappeur dans la vingtaine et que tu t'appelles encore Paperboy, ben tu mérites même pas de faire paraître un album. Et on termine avec le numéro 1 de ses pires noms. Et c'est. Oh, je viens de comprendre là, vraiment, mais c'est. Oui, c'est le pire, effectivement. Ça mérite de se retrouver au numéro 1 de ce top 25 des pires noms de rappeurs de l'histoire. Et il se nomme Shorty Shitstain. Et oui, est-ce que j'ai vraiment à traduire Shitstain pour vous? Mais bref, ça a rapport avec quelque chose qu'on fait dans nos culottes. Hein? Bon, bref. En fait, on a aussi des mentions honorables. Là, rapidement, avant de partir, je vais vous dire. On a Capadonna, Papoose, Magoo, Timbaland, Sissi, Lemonhead, Bus Driver et Youngstar qui n'ont pas fait le Stop 25, mais qui auraient pu facilement s'y retrouver. On s'appelle et on déjeune de 7h à 9h le matin du Job Job Bar. On s'appelle et on déjeune le matin. On s'appelle et on déjeune le matin du... On s'appelle et on déjeune, c'est d'ADEC. On s'appelle et on déjeune, c'est de l'actualité nationale et utérienne, de l'insolite, des chroniques, de la musique émergente et une dose de bon sens. Sans frais cachés et sans contrat, encore mieux, c'est gratuit. On s'appelle et on déjeune tous les matins du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR.